est responsable de l'enrichissement de la vie, de la relation. À moins qu'il décide lui-même de se faire, de cesser complètement dans sa relation avec cette personne-là. À ce moment-là, c'est un choc, puis c'est final. Mais c'est, ça fait déjà partie de l'intelligence. Comprenez-vous, vous dites? Alors, si ça fait partie de l'intelligence qu'il y a un choc, puis c'est final, c'est une chose. Mais si ça fait partie de l'intelligence qu'il y a un choc pour altérer la relation, pour l'assainir la relation, pour mettre de l'intelligence dans la relation, à ce moment-là, faut rebalancer la vibration qui a été créée par le choc, parce que vous ne le réalisez pas nécessairement vous autres, mais un choc vibratoire, ça peut être très pénible pour une autre personne qui n'en comprend pas les aspects. Si c'est deux personnes qui sont dans la conscience, ben à ce moment-là, le phénomène du choc, il se comprend plus. Celui qui reçoit le choc va l'absorber. Puis l'autre n'a pas nécessairement à le rebalancer. Mais si vous êtes en relation avec des gens inconscients au niveau de la société, il faut que vous rebalanciez vos vibrations quand vous créez un choc aux gens. Parce que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens vous comprennent, puisque le choc n'est pas intelligent. Dans le sens humain du terme, il n'est pas raisonnable, il est purement vibratoire. C'est intelligent à chaque côté. S'il était raisonnable dans le sens de la conscience humaine à ce moment-là, le problème n'existera pas. Mais il n'est pas comme ça. Il y a des chocs vibratoires quand ça nous passe dans le corps, puis on n'y peut rien. À ce moment-là, mais on a la conscience du choc, puis à ce moment-là, il faut qu'on rebalance après. J'amène ça sur le terrain là, pour répondre à une question de tout à l'heure. C'est bien important, ça. Tu voudrais-tu vraiment donner un exemple? Supposons que tu rentres au bureau un matin et ton boss n'est pas de bonne humeur. Si t'es moindrement vibrant pis il t'achale, tu peux créer un choc, tu peux dire « Chris, qu'est-ce que t'as qui va pas matin? » Là, ça crée un choc, parce qu'il est pas habitué à se faire parler de même. Fait que là, ça va aller mal, il peut t'engueuler, patati patata, pis toi, t'es dans la vibration, fait que tu pourras pas te faire pousser contre le mur trop. Mais après ça, au lunch, c'est pas moi. Tu apportes un petit café, tu balances la vibration. Comprends-tu? C'est balancer la vibration. C'est simple, balancer la vibration. Puis on a des situations tous les jours dans la vie où on doit balancer la vibration. Tu peux pas laisser une personne sous une vibration vibratoire qui est déclenchée dans le supramental. Faut que tu rebalances. Surtout si vous avez des personnalités fortes. Alors ça implique automatiquement que vous le sachiez quand vous créez un choc à quelqu'un. Quand tu crées un choc à quelqu'un, quand tu y envoies ça, chose, faut que tu le saches que tu y envoies. Ça, tu rebalances. Faut pas que ton ego te bloque parce que t'es fier ou tu sais. C'est là que c'est fort. C'est ça de la manipulation de l'énergie. Ça, c'est manipuler de l'énergie. Tu crées un choc, tu prends une énergie négative, puis ensuite tu prends une petite sœur d'une énergie positive. C'est tout le temps l'éducation des enfants. Ouais. Vos enfants, c'est un exemple. Vous disciplinez vos enfants, c'était bon. Mais balancez la vibration. Sans ça, vos enfants vont finir avec des égos tout rapetissés. Dans l'éducation des enfants, c'est essentiel de rebalancer les vibrations. Essentiel. Puis il y a trop de parents qui le font pas. Parce qu'il y a des parents qui se prennent au sérieux dans l'éducation des enfants. Moi, je suis le père, moi, j'en mets, voilà, marche pas de main. Alors, quand les enfants sont jeunes, il n'y a pas tellement de feedback. Mais quand ils ont 14 ans puis 15 ans, chose. Ils peuvent vous en donner du feedback. Fait qu'il faut que tu les prépares jeunes à la discipline. Fait que quand il a 14, 15 ans, 16 ans, tu lui donnes un choc, il le prend, puis tu le rebalances, il est habitué. Il te comprend, puis il comprend de la psychologie. Ça prend le temps de rebalancer, fais quand même. Je deviens hypocrite. Regarde bien la différence subtile. C'est pas que si ça te tente pas, mais si t'es pas capable. Voilà la différence. Si ça tente pas, là, c'est ton ego qui bloque. Si t'es pas capable, c'est que tu n'y peux rien. Faut que t'attendes, puis ensuite tu le fais. Que ça te tente ou que ça te tente pas, c'est égocentrique, ça. Se tente, que ça te tente. C'est ton orgueil qui fait que ça te tente. Ça peut être ton orgueil, ça peut être ton tempérament, ça peut être pas. Ça te tente pas. Quand tu peux pas, là, c'est un opé de manche. Quand tu peux pas, t'aimeras ça, puis t'es pas capable. T'aimeras ça? Tu voudrais rebalancer la vibration, mais t'es pas capable. Elle passe pas l'énergie, t'es bloqué net, t'es pas capable. Puis quand t'es dans le supramental pas mal, là, quand t'es pas mal imprégné de cette énergie-là, c'est le même que ça marche. C'est plus que ça te tente pas ou que ça te tente. C'est que t'es pas capable. Comment que tu voudrais, t'es pas capable. Moi, quand je donnais des chocs à ma femme au début d'initiation, je disais combien de temps ça va durer? Elle disait 2 heures. 2 heures. Comment qu'elle a fait tous les temps, c'était 2 heures. Au bout de 2 heures, je changeais mes vibrations de faire rebalancer. Tu vas pas rebalancer avant. T'es pas capable. Ça se peut que ça revienne jamais, sinon? Ah, ça revient, ouais. Elle est comique. C'est tout. Elle est foncièrement pessimiste. On va vous expliquer ça, qu'est-ce que c'est le pessimisme. Ça, c'est bien intéressant, le pessimisme. Le pessimisme, c'est une faculté de l'ego qui ne voit pas les possibilités de l'ego. Pas le bout. Ouais. Il y en a un bout? Ouais, il y en a toujours un bout. Il y en a toujours un bout. Tout le temps. Mais l'ego, il ne voit pas. Puis il cherche, puis il ne voit pas. Puis tant qu'il cherche, il n'a pas. C'est quand qu'il arrête de chercher un bout qu'il y en a un. C'est comme avec le pessimisme. C'est assez intéressant, ça. Et le pessimisme, ça fait partie d'une vibration de l'âme. C'est comme le pessimisme, ça fait partie d'une vibration de l'âme qui cherche à rendre l'ego malheureux pour lui faire vivre des expériences qui créent dans l'âme certains reflets. Mais des reflets qui sont sombres. Puis ces reflets-là qui sont sombres servent, au cours de l'évolution de l'âme, à créer des appétits astraux comme une personne dans une vie qui serait extrêmement pessimiste, par exemple, par la création de ces reflets-là dans l'âme, permettrait éventuellement à l'âme, au cours d'une autre incarnation, de créer des appétits astraux dans un homme comme, par exemple, avoir le goût de manger beaucoup, beaucoup de chocolat. Puis le fait qu'elle mangerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocolat, ça l'amènerait à être malade dans certains organes. Puis la maladie dans certains organes servirait à contrôler le temps de l'évolution matérielle. C'est comme si c'est tout du clockwork. Tout ça aide en vie. C'est pour ça que les hommes doivent libérer de l'emprise de l'âme. Ça vient totalement de là. Regardez bien ça. Demandez-vous donc dans votre tête, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez comme réponse? J'en sais rien. Sa réponse, j'en sais rien? OK. Demandez-vous donc dans votre tête, si c'est vrai que vous n'en savez rien, qu'est-ce que vous avez comme réponse? Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Demandez donc pourquoi est-ce que vous avez des réponses comme ça? Regarde pas. Ça te regarde pas. Demandez donc si la communication de l'intelligence vient de l'astral. Qu'est-ce que vous avez comme réponse? Je t'en regarde. Vous voyez? Demandez donc si vous êtes intelligent. Demandez donc si lui est intelligent. Je sais pas.